Bonsoir, chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal, la grande édition de la soirée du 10 mars 2019. Tout d'abord, les titres. Lancement officiel des activités du Parti Congrès National pour la Liberté ce dimanche. Le représentant légat de cette formation politique se dit satisfait. L'organisation par CM s'inquiète du code électoral qui exige les femmes à se faire élire dans les circonscriptions de leur mari. Faustin Dikoumana estime que cela fait reculer l'étape déjà franchie par les femmes. Et comme d'habitude, de la chronique nutrition d'aujourd'hui, on va vous parler de l'huile de table qui contient beaucoup de graisse. Et hors de nos frontières, on va vous parler d'un crash d'avion qui a porté la vie humaine de plus de 150 personnes. Voilà pour les titres. Alphonse Koubguimana assure la mise en onde. À la présentation, Moïse Misago, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page politique. Le Parti Congrès National pour la Liberté a lancé officiellement ses activités ce dimanche. Agathon Gwassa, représentant légal de cette formation politique, dit que son parti va principalement lutter contre l'égoïsme politique au Burundi. Il promet que dans un futur proche, sa formation politique va mettre en place des institutions de la base jusqu'au sommet et espère que ses fidèles vont accomplir leurs activités politiques dans la liberté suivie. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est d'abord un droit qui est recouvré. Donc, nous pensons que l'activité d'aujourd'hui n'est que le début de toute une série d'autres activités qui mènent notamment vers les élections de 2020. Et comme vous le savez, la dynamique politique suppose que les gens se rencontrent, discutent de ceci et de cela pour trouver un consensus, pour déterminer la voie à suivre. Donc, nous sommes satisfaits de cette étape. Ce qui va changer, c'est que nous sommes en conformité avec la loi et que donc nous pouvons agir sans crainte tant que nous serons dans la droite ligne de ce que la loi prévoit. Donc, nous serons protégés par la loi dans des activités au quotidien. Parce que dans une société avec tout ce qu'il y a comme diversité, ni c'était la loi, vous comprendrez que ça serait le chaos. Et nous allons servir mieux parce que nous serons libres. Le futur proche, ma foi, ça dépend. Le chronogramme, maintenant, il y a les élections en vue. Et pour qu'on puisse se préparer, il faut mettre en place les structures. Et pour mettre en place les structures, nous devons organiser le plus rapidement possible notre conférence nationale, c'est comme ça que nous l'appelons. Ça nous permettra d'avoir des interlocuteurs avec l'administration au niveau des provinces, au niveau des communes et des zones. Et comme ça, nous pourrons travailler beaucoup plus tranquillement dans tous les coins du pays. Nous pensons que nul ne sera taxé de tenir une réunion illégale lorsqu'il se conformera à la loi, dès lors que nous sommes agréés comme parti politique. Nous en appelons à tout un chacun à mettre en avant le Burundi et de ne pas être distrait par les autres discours qui divisent et qui dispersent les efforts des Burundais. Après tout, dans nos différences, nous sommes Burundais. Il faut travailler pour l'intérêt du Burundi et le reste ne viendra que de surcroît. Toujours page politique, le code électoral devrait laisser la liberté aux femmes de se faire élire là où elles se sentiraient utiles, non pas les exiger de se faire élire dans les provinces de leur mari. Propos de Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités. Selon lui, cette loi vient faire reculer le pas déjà franchi sur la promotion et l'épanouissement de la femme et favorise la manipulation de certaines personnes qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale et placer leurs épouses. On l'écoute. Le code électoral semble dire que les femmes vont se faire élire dans les circonscriptions de leur mari. Et on se dit pourquoi la femme doit avoir cette liberté de se faire élire là où elle se sent et pouvoir créer une valeur ajoutée dans sa vie politique. Et sinon, il peut y avoir des situations, certaines personnalités, jugeant qu'ils ne peuvent pas aller sur les listes, de parler de fonction et essayer de placer les femmes sur les listes électorales qui ne sont pas originaires. J'imagine qu'il faudrait beaucoup plus une réflexion par rapport à cela, parce que la femme aussi devrait avoir cette liberté de vouloir combattre politiquement à l'aise, en évaluant elle-même là où elle peut avoir créer de la valeur ajoutée. Et il peut y avoir une guerre des listes, des natifs, peut ouvrir des spéculations. Donc il faut généraliser, il faut donner la liberté à la femme par rapport au choix de sa circonscription électorale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, le programme des cantines scolaires permet de limiter les cas d'abandon scolaire dans la province Gitega sur 387 écoles fondamentales. Seules 1196 écoles bénéficient de ce programme, selon le directeur provincial de l'enseignement dans cette province. Selon Bernard Ndabahagamier, le défi de ce programme est que parfois certains élèves ont tendance à quitter leurs écoles pour aller étudier aux écoles où ce programme est réalisé. Suivez-les au micro de Omen Nyonghuru. Le programme des cantines scolaires a contribué à la diminution des abandons scolaires très sensiblement. Mais le problème qui se pose, c'est que ce programme ne se trouve pas sur toutes les écoles. À part les écoles, même ce n'est pas dans toutes les directions communales de l'enseignement où on a ce programme de cantine scolaire, puisque nous avons trois directions communales dans lesquelles la cantine scolaire n'existe pas. Même dans les directions communales où il y a une cantine scolaire, ce n'est pas toutes les écoles, parce que sur un effectif de 387 écofo qui se trouvent dans notre province, uniquement 196 écofo sont possesseurs de cantines scolaires. C'est ça comme problème qu'on peut rencontrer. Même si là où ces cantines existent, il y a aussi, si, à part le programme, mais aussi les autorités scolaires résidents. Si les autorités scolaires de cette école ne sont pas compétentes, le programme de cantines scolaires, dans la plupart des cas, freine le développement des activités scolaires, surtout si l'organisation n'est pas bien établie à l'avance. Mais quand même, ce programme aide à réduire les cas d'abandon. Oui, il aide à réduire le cas d'abandon puisque on observe une tendance des élèves qui veulent quitter les écoles où il n'y a pas de cantine scolaire vers les écoles où il y a des cantines scolaires. Même les parents veulent mettre les écoles là où il y a des cantines scolaires au détriment des écoles qui n'ont pas de cantine scolaire. À 18h09 dans l'est de la radio Sanganiro, avec poursuivant cette édition par la page santé, la catégorie des VIH fait partie des groupes à haut risque face au VIH-Sida. Le médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga précise qu'une attention particulière est réservée à de tels groupes pour une meilleure prise en charge des séropositifs, n'est-ce pas Dieudonné Nzeimana. Au centre urbain d'Omuyinga, un veilleur affirme que le sida est une triste réalité chez cette catégorie d'employés, souvent loin des familles. Il arrive à bon nombre de veilleurs de coucher avec les passants, y compris les dérangés mentaux. Il signale que quand on est loin du ménage, ça arrive qu'on soit dépassé. Il signale qu'en ville, on a beaucoup de passants, parfois mal intentionnés. Ça arrive qu'on couche avec n'importe qui, y compris les folles, sans aucune mesure de prévention. On attrape parfois le sida. Les veilleurs demandent un suivi particulier de la part des prestataires de soins. Docteur Eric Nzimana, médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga, rassure, des programmes de suivi des groupes à haut risque existent déjà. Il signale que de manière générale, la sensibilisation cible toute la population sans distinction. Mais à l'ère actuelle, les groupes à haut risque sont particulièrement à suivi. L'objectif est d'atteindre au moins 90% des personnes infectées pour qu'ils soient mis sous traitement. Aux habitants d'être conscients, la pandémie du sida est une menace qui pèse encore, lance le médecin provincial de Muyinga. De Muyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Hors de nos frontières, un avion d'Ethiopian Airlines s'est crashé ce matin, juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. Le vol reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, dans les environs de Bishoftu. L'avion comptait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant, indique la compagnie aérienne Liton sur RFI. Dans le communiqué de la compagnie nationale éthiopienne, 149 passagers étaient prévus pour pour embarquer dans ce vol entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya. Mais Ethiopian Airlines dit vérifier la liste de celles et ceux qui ont effectivement pris place dans le Boeing 737 et 800 maximum. Il y avait par ailleurs 8 membres d'équipage. C'est le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a annoncé en première la nouvelle du crash via son Twitter. Dans son communiqué poursuit la RFI, la compagnie affirme que le contact a été perdu avec l'appareil à 8h44, soit 6 minutes après son décollage de l'aéroport international de Bole. Le Boeing s'est écrasé peu après le décollage alors que le pilote avait évoqué des difficultés et demandé à faire demi-tour en vue d'un atterrissage d'urgence. Selon la compagnie, le pilote était expérimenté et le Boeing n'avait aucun problème technique connu. Il survolait alors la ville de Bishoftu à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, donc la bonne direction pour aller vers la capitale kényane. Ethiopian Airlines a envoyé du personnel sur place pour assister les équipes de secours. Elle aussi met en place un centre d'information pour les passagers et pour un numéro d'urgence pour les proches. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'huile de table fait partie des aliments riches en énergie. Le nutritionniste fait savoir que les adultes et les enfants ne doivent pas consommer la même quantité parce que certaines huiles comme l'huile de palme contiennent des graisses saturées. L'expert Athanase Nianogeye explique que pour que l'huile soit prête à être consommée, il faut qu'elle soit ni crue ni carbonisée. Il indique que c'est déconseillé d'utiliser l'huile plus de 3 fois. La chronique nutrition d'aujourd'hui avec Ornella Mucho. Dans la précédente chronique, nous vous avions parlé que l'huile augmente de l'énergie au corps humain. L'expert en nutrition, Athanase Nianogeye, indique que l'un des moyens de préparer l'huile est l'assaisonnement dans le repas qui est sur le feu. Il y a deux manières de cuisiner. C'est l'assaisonnement dans les nourritures, c'est-à-dire qu'un peu avant la cuisson totale, on met de l'huile, c'est-à-dire l'assaisonnement vers la fin de la cuisson. Et si l'on poire, bien on peut consommer sous forme de salade. Là, ce sont des fruits et des légumes crus qui contiennent beaucoup de vitamines et de sels minéraux. C'est bon pour la santé. Les vitamines et les sels minéraux sont dedans. Selon toujours son nutritionniste, il faut renouveler l'huile 1 ou 2 fois après l'usage. D'abord, il faut mesurer le degré, la quantité. Il ne faut pas que ça soit beaucoup d'huile. Il faut que ça soit autour de 15-20 grammes comme ça. Parce que la teneur en calories est très très élevée. Il ne faut pas vraiment mettre une grande dose. Il faut cuisiner cela pendant autour de 10 minutes maximum. Et le faire et renouveler. 1 ou 2 fois après l'usage. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième usage. Là, c'est déjà détérioré. D'abord, les éléments nutritifs sont complètement détériorés. En plus, ça peut provoquer des maladies et l'organisme accueille mal, ça devient nocif à son mal. Certaines maladies comme l'hypertension peuvent attaquer une personne qui consomme de l'huile mal préparée et demande aux gens que dans ce cas, il faut au moins consommer les fruits juteux pour équilibrer le repas. L'huile, à un certain moment, devient nocive pour la santé. Surtout, l'huile provoque les maladies dites cardiovasculaires, c'est-à-dire qui affecte le cœur. Et aujourd'hui, on parle des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Ils font partie des maladies chroniques non transmissibles qui commencent à progresser dans les centres urbains. C'est un petit noyau, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand même, on commence à remarquer dans les centres urbains, disons, la présence des maladies chroniques non transmissibles provoquées notamment par les graisses. L'huile de palme contient un mauvais cholestérol déconseillé pour les personnes adultes. Pour parier à cela, l'expert en nutrition, Athanase Nianogeye, indique qu'on peut faire bouillir l'huile 2 fois qu'on qualifie en Kirundi, Kambili, sans toutefois la carboniser. Il précise qu'à ce moment, la teneur en graisse a diminué. Merci Ornella Mucho. Ainsi, à 18h16 dans les sites de la radio Isanganiro s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.